Troisième rayonné, la pâte marron. Ici la Réunion, quand tu es en salé, troisième rayonné, la pâte marron. Sabana des calomes, tes misères, comme à terre qu'est soleil, gros fénard, et quand l'année si la terre vénard, ça j'en dis, tu veux plus souffrir. Sabana des calomes, tes misères, comme à terre qu'est soleil, gros fénard, et quand l'année si la terre vénard, ça j'en dis, tu veux plus souffrir. Ici la Réunion, la refuser, rêve comme petit colon. Ici la Réunion, pas un rayonnée, toi tu la refuser, rêve comme petit colon. Là tu dis comme ça nous agniver, la partie de notre pays embarqué, mais ce m'en reste ici pour travail, pour arranger un chemin pour ma maille. La main